Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabi. L'invocation qu'on doit faire en sortant des collègues. Yaqulu, ils disent, Mufranaka, alhamdulillahi alladhi, adhaba anni al-adha wa afani. Donc, ça c'est une parole qui est rapportée, on va voir qu'est-ce qu'il est dit, justement, dans le hadith. Là, c'est la vie. En fait, quand on rentre dans un chapitre, je sais pas si vous avez fait attention, à chaque fois, il y a un hadith. Le stahab, il est préférable, il est très fortement recommandé de faire un signe, de faire un ça, de faire un psy. Et, comment on appelle ça, et tout ce qui est, des avis des écoles. Et après, qui concerne justement cet avis. Donc là, c'est la même chose. L'avis, du moins, donc l'imam al-Nawawi a cité Rufranaka. Rufranaka, normalement, je vais pas le traduire, ça veut dire pardonne-moi, il y a un point, ainsi de suite, mais vous allez avoir la traduction plus correcte dans les livres à citer des musulmans ou à travers l'application. Donc Rufranaka, normalement, il y a Rufranaka, il y a Rab. Je te demande pardon, moi, Allah. Ensuite, l'invocation du là, je vais la citer comme un site. Alhamdulillah, louange à Allah, alladhi adhaba anni al-ada. Louange à Allah, qui m'a permis de me débarrasser, de me soulager de cette chose. Ada, de cette chose qui me gêne et qui me dérange. Donc, voilà, quand vous allez voir, ensuite, la vocation à faire, selon leur dire, qu'il m'a donné une bonne santé. D'accord? Il m'a donné une bonne santé. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on doit dire. Alors, le hadith, tabata fi al-hadith al-sahih, fi sunan Abi Daoud wa al-Tirmidhi. Donc il a été rapporté dans l'authentique de Sunan. Sunan, les Sunan, je vous l'ai déjà dit. Je redis. À un moment donné, je vais poser des questions. Vous savez quand je répète une chose, à un moment donné, je vais, comme j'ai fait tout à l'heure au début, poser des questions. C'est des choses que je répète. C'est des choses que normalement, vous devez connaître à force, parce que vous allez beaucoup les entendre, et parce que demain, lorsque vous allez acheter des livres, vous allez lire des sujets qui sont rattachés à la science, comme ça que ça va être présenté. Il a été rapporté, où il a été authentifié, il a dit, dans le hadith authentique des Sunan, c'est les autres livres d'authenticité des hadiths en dehors de Al-Bukhari et Muslim. Il a dit, les deux rapporteurs, c'est Abu Daoud et Al-Tirmidhi. Donc ils ont dit, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana yaqul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ghufranaka. Donc il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation Ghufranaka. D'accord? Ghufranaka wa rawahu an-Nasa'i wa Ibn Majah. Et il a été aussi rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. Donc les quatre en fait, At-Tirmidhi, Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah, ce sont les rapporteurs des Sunan. Les Sunan, c'est comme si tu disais Sahih al-Bukhari, c'est un livre d'authenticité des hadiths. D'accord? Donc, il a été rapporté par ces quatre imams, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sortait des toilettes, quand il sortait de faire ses ablutions, il disait Ghufranaka. D'accord? Avec un roi, un règne plutôt. Ghufranaka, ya Rab, normalement. Mais bon, voilà. Donc, là, pour la preuve par rapport au hadith qu'on a cité tout en haut, pas le hadith plutôt, mais l'avis, au fond de l'avis qui était donné, c'était que le prophète, l'invocation qu'il faut faire, c'est Ghufranaka, alhamdulillah, alladhi afani, wa adhaba anni al-adha, wa afani. Et donc là, on a la preuve dans le hadith, rapporté par Abu Daoud, par Ibn Majah, par Al-Tirmidhi, par Al-Nasa'i, que le prophète, quand il finissait ses besoins, il disait Ghufranaka, ya. Après, il y a un autre hadith, « Warawayna an Umar, an Ibn Omar, donc le compagnon Ibn Omar. Est-ce que vous connaissez, est-ce que quelqu'un connaît Ibn Omar, c'est le fils de Omar Ibn Khattab. C'est le fils de Omar Ibn Khattab. Donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le deuxième calife, le pilier de l'islam, et le deuxième calife, c'est celui qui a dirigé l'islam pendant un certain nombre de temps. C'était son fils. Donc, Ibn Omar, pourquoi je vous parle d'Ibn Omar? Parce que je vous dis qu'Ibn Omar, c'est un compagnon où il y a unanimité sur ses hadiths. D'accord? Ça veut dire que tous les hadiths qui viennent d'Ibn Omar, les savants, ils sont plus unanimes qu'ils sont authentiques. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles le compagnon Ibn Omar reproduisait exactement en détail tout ce que le prophète qu'il était derrière lui, c'était son ombre. Même si c'était pas des adorations, hein, il le copiait, il l'imitait. Voilà. Donc pourquoi Ibn Omar il a une particularité? C'est parce que les savants ils ont dit qu'il a une particularité, et en même temps on le voit pourquoi. C'est que ben, c'était le fils de Omar ibn Khattab, et on sait que Omar ibn Khattab, sa fille Hafsa était mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que Omar ibn Khattab fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire que Omar ibn Khattab peut avoir une présence particulière, une proximité particulière avec le prophète. Donc, c'est des gens qui ont mieux compris le Coran et la Sunna. Et Hafsa, étant donné que c'est la sœur d'Ibn Omar, eh ben, Ibn Omar, il pouvait aller régulièrement chez sa sœur. Il y avait qui chez sa sœur? Ben, des fois, il y avait son mari, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, vous comprenez un peu le truc. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, ce sont des sommités, c'est des références, et il n'y a aucune divergence là-dessus. Bien sûr, avant, il n'y avait pas de divergence, et encore il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, il y a des divergences. On a des gens qui sont beaucoup plus savants, beaucoup plus pointus, beaucoup plus tordus plutôt, je dirais. Pourtant, ils n'ont pas étudié, ils n'ont rien, ils n'ont pas fréquenté personne, ni quoi que ce soit, à part l'école, à part les centres et les instituts, mais voilà, ils ont atteint tellement une intelligence un QI qui dépasse la normale, du coup ils peuvent revenir sur les hadiths, sur les compagnons, sur les enfants des compagnons, sur leur travail, le troisième calife de l'islam. Ah oui, Fatiha, j'avais pas vu ta réponse. Non, le deuxième calife, le troisième c'est Uthman ibn Affan. Mais bon, c'est Barakallahu fikum. Donc alors, je vous disais, donc pourquoi je m'attarde sur ça, parce qu'encore une fois, le but n'est pas que les hadiths et l'institut prennent aussi vu qu'ils sont autour de cette science d'avant et d'aujourd'hui, et comment au jour d'aujourd'hui on nous donne une autre interprétation, une autre vision, une autre approche de l'islam. Choses sont déjà établies, elles sont déjà établies. Et Inch'Allah, alors, nous avons dit le compagnon, et donc là, ce hadith-là, c'est un autre. Alors, le hadith, Rawayna an Ibn Omar, il a été rapporté par Ibn Omar, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha kharaja min al-khala, qala. Il a été rapporté d'Ibn Omar, ce hadith est un hadith. Parce qu'ils disent que ce hadith est faible. Je peux regarder la chaîne de transmission. Le prophète sallam disait, en moment Al-Nadi adhaba anni al-ada. Adhaba anni ladannahu. Asbatuhu. Ibna fiya kuwatahu wadafa'a anni adahu. رواه ابن سني والطبراني. الطبراني. ابن سني. Et on sait que ابن سني, on a pu voir depuis le début que c'est quelqu'un, qui n'était pas tout authentique, mais en soi, la chaîne de transmission est acceptable. Ça veut dire que dans la chaîne de transmission, même si le hadith en soi il est pas vrai, ça veut dire dans son contenu, dans ses termes, fait qu'il a une chaîne de transmission où il y a des gens qui sont connus dans la science du hadith, d'accord, et là, en l'occurrence, c'est le cas. Le prophète sallam disait louange à Allah qui m'a enlevé louange à Allah qui m'a fait goûter ses bienfaits. Et qui a gardé en moi cette force. Et qui a repoussé son mal. D'accord? Donc là, il parlait, l'abdatahu, par exemple, le fait de bien manger, de boire, donc l'abdatahu, louange à Allah qui lui a permis de goûter à ses plaisirs. Ensuite, il a dit, si on veut retenir quelque chose par rapport à l'invocation à faire en sortant des toilettes, bon, nous, vu que généralement on est à la maison, donc l'invocation à faire, c'est quand on sort, on dit Rufranaka. Donc je dis, en fait, ce qu'on doit garder de ce hadith-là, c'est de dire Rufranaka à la fin. C'est-à-dire, quand on sort des toilettes, on sort par le pied gauche et on dit Rufranaka. Ya Rab, vous pouvez rajouter, mais Rufranaka. C'est le minimum, c'est-à-dire, dans ce hadith-là, on sait qu'il est authentique. Parce que, dans le deuxième hadith, comme je vous ai dit, on va pas faire de la science du hadith, parce que, voilà, c'est pas l'objectif, mais je sais donner quelques éléments. Isnaduhu da'if, sa chaîne de transmission est faible. Wafihi Ismail ibn Rafi'a. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Ismail ibn Rafi' wa Hibban ibn Ali al-Inzi. Kalamahum da'if. Wa fihi aydan man lam a'rifu wa akhrajahu ibn Sunni fi 'amal al-jam wa al-layla wa anzur hadith alladhi mada qabla biraqmi fa huwa wa hadha fi siyaq wahid 'inda ibn Sunni wa qad ghazahu an-Nawawi al-Tabarani fi kitab ad-du'a la fi al-mu'jam al-kabir kama qad يتواهم من قوله رواه ابن سني والطبراني. On rentre du pied gauche et on sort du pied droit. Donc voilà, en gros, ce hadith, il est plus ou moins pas authentique, il est faible, mais comme je l'expliquais dans la science du hadith, et surtout dans les fondements de la religion, c'est pas des hadiths qui sont acceptables, ou des hadiths qui sont pris en compte. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Les seuls hadiths qui concernent la croyance, qui concernent des règles juridiques, on appelle ça un hukm shar'i, et les, les ahkam shar'iyya, du moins les al-hudud, les ahkam shar'iyya muta'alliq bil-hudud, les actes, les statuts qui sont rattachés à des sentences ou à des peines légales, eh ben, c'est pas des hadiths qui sont pris en compte. C'est-à-dire que les savants des hadiths, pour appliquer un jugement, ils prennent pas ces hadiths en compte. Parce qu'il est faible. Juste parce qu'il est faible. Même si sa chaîne de transmission, il y a peut-être des personnes connues et qu'ils sont connus pour apporter des hadiths authentiques, tout ça, ils vont pas le prendre en compte. Mais, dans les bonnes actions, ou dans le bon comportement, ou les bienséances à avoir dans la journée, le soir, ainsi de suite, c'est des hadiths qui sont pris en compte. Pourquoi? Parce que le sens, il va dans le sens de l'idée de ce qui ressort du hadith. La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en train de préparer, mais je n'ai pas encore bien commencé. Le livre sur la prière, la description de la prière, je vous ai dit, j'essaie de sélectionner et choisir des sujets qui sont primordiaux et qui sont très nécessaires et utiles pour nous. Et on va faire donc ce livre-là. Et donc forcément, le chapitre des ablutions va être intégré dedans. Alors, on va faire par plusieurs parties et je vous recommande très fortement d'avoir un genre de petit calepin, de prendre de temps en temps des notes, même si ce n'est pas grand chose, ça va commencer à vous lancer, d'accord? Ça va commencer à vous faire travailler. N'attendez pas. Ne pensez pas que vous allez tout enregistrer à un moment donné. La science est simple. Ou vous allez vous accrocher, ou vous allez décrocher. C'est assez simple à ce niveau-là. Combien de gens on a vu étudier, commencer à fond, un peu ou moyennement, et avec le temps, il n'y a plus beaucoup de monde. De toute façon, je pense que celui qui a déjà suivi des cours, il se rend compte. C'est toujours comme ça au début, il y a du monde, et au fur et à mesure de l'année, il y a de moins en moins de monde. Il y a de plus en plus d'excuses. Et on voit ce qui tiennent, c'est que leur priorité, c'est l'ilm. Non pas parce que l'ilm, on lui donne plus de place, non, c'est parce que c'est une wasila, c'est un moyen, c'est un outil par lequel tu peux approcher Allah, ou du moins tu peux te rapprocher d'Allah. Donc c'est pas parce qu'on donne du temps plus qu'il en faut, c'est parce qu'on en a besoin, et parce que ça fait partie de notre des choix qu'on a fait dans notre vie. Et donc celui qui va rester ferme, on va dire persévérant, grâce à Allah, c'est qu'il a des priorités dans sa vie, et ça fait partie de ses priorités. Peu importe à l'heure, à comment, et ainsi de suite. Dès que je peux profiter d'une minute, deux minutes, j'en profite. Voilà. Donc, alors, babu yaqulu ala wudu'i. Qu'est-ce qu'il faut dire au moment des ablutions ou pour faire les ablutions? Donc, yustahabu ay yaqulu fi awwalihi. Il est recommandé de dire, en son début, donc, avant de commencer l'ordo, bismillahir rahmanir rahim. Yustahab. Pareil, c'est un hukm shara'i, d'accord? Et ça veut dire que il est fortement recommandé. Ça veut pas dire que c'est obligatoire. Ça veut pas dire que celui qui le fait pas, il commet un péché, ou qu'il a un péché, ou qu'il, non. Mais, son acte n'est pas complet. D'accord? Il n'est pas complet, total, et étant donné qu'on a les shayatines, nous, on parle beaucoup de shayatines parce que c'est une réalité, et bien quelque part ils ont fait en sorte de diminuer de ton action pour qu'il soit moins touché. Eh oui. Parce qu'ils sont dans tous les aspects de notre vie. Dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a dit. Quand tu pries, tu regardes à droite ou à gauche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shaitan, t'as pris une partie de ta prière. D'accord? Donc en fait, dès qu'on va être amené ou poussé à faire ou à ne pas faire, et surtout quand il y a Allah, c'est qu'il y a quelque chose. Alors on peut se dire, voilà, ils ont gagné. Enfin, il a gagné cette partie-là. D'accord? Mais voilà, en tous les cas, il faut essayer de pratiquer tout ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu à un moment donné. Ne serait-ce qu'une fois dans votre vie. Wa in qala bismillah kafa. Ici, il dit bismillah, ça suffit. C'est-à-dire que c'est suffisant. Donc, le mieux, c'est de dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais si tu dis bismillah, ça suffit. قال أصحابنا, donc comme j'ai dit, quand ils disent قال أصحابنا, nos compagnons ont dit, ce qui veut dire l'imam al-Nawawi, c'est nos compagnons parmi les savants du hadith, les savants de la science du hadith, ils ont dit فإن ترك تسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها ووضوءه صحيح. Donc il a dit, celui qui ne le dit pas au début, et qui le dit par exemple au milieu, ça veut dire فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَ فِي أَوَّلِ أُوْضُوْ أَتَ بِهَا فِي أَثْنَائِهِ. Si il a oublié de le dire au moment où il fait ses ablutions, c'est-à-dire avant de commencer, si tu as oublié de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, après tu te retrouves en train de faire par exemple ta tête, tu vas finir par tes pieds, et que tu t'es rendu compte que tu l'as pas dit, tu peux le dire. Tu peux le dire. Il faut le dire d'ailleurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Après, ils ont dit, فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى فَرَغَ فَقَدْ فَاتَ مَحَلَّهَا فَلَا يَأْتِي بِهَا وَوُضُوءُهُ صَحِيحٌ. Donc ici, par exemple, il finit ses ablutions et après il se rend compte que, il a pas dit la basmala. On va dire, son moment où il fallait le dire, il est passé. Donc, c'est pas la peine de le dire. Ce qui s'est passé, c'était le moment où tu fais tes ablutions. Et bah, dis donc, c'est impressionnant, ça. Désolé, hein. D'un coup, comme ça, je suis dans la voiture, il y a un cafard qui a surgi. Je sais pas d'où. Oui. Alors, un cafard ou un parasite? Oui. Vous disiez, donc celui qui le dit, s'il se rend compte qu'il l'a pas dit après avoir fini ses ablutions, bah, c'est pas grave, il ne le dit pas. Mais son ablution, ses ablutions, ils sont authentiques ou ils sont valables, c'est-à-dire ils sont validés. Je ne sais pas s'il n'a pas fait que ses ablutions ne sont, sont pas valables. Elles sont valables, ses ablutions, sauf que il a Shaitan lui a enlevé une action. Vous savez, parmi les. Il y a un livre qui s'appelle Telvis Iblis, il est pas mal, les ruses de Satan. Et en fait, Iblis, quand il voit que c'est. Enfin, Iblis ou ceux qui le suivent. Religion et que ça va être presque impossible de le faire dévier, bah, ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de nous faire diminuer des actions. D'accord? Pourquoi? Bah, pour nous affaiblir après, encore une fois. Donc. Ça va. Donc, ces ablutions, pour celui qui ne l'a pas dit, que ça soit volontairement ou involontairement, c'est pas grave. D'où l'importance d'apprendre sa religion, parce que des fois, il y a des actions qui sont pas forcément importantes, enfin, forcément importantes ou quoi, mais après, chacun en fonction de ses connaissances, et quand on a quelqu'un face à nous qui est un peu plus pratiquant, il est un peu trop rigide, ouais, hada haram, hada truc, hada wajib, c'est obligatoire, ainsi de suite. Et on connaît pas. C'est vrai qu'on est enthousiasme. Enthousiaste pour ceux qui se retrouvent dans ce cas de figure-là, il doit s'appliquer cette rigueur et cette rigidité. Pour eux, c'est tout. Pas les gens, parce que ce qui va avancer, quel est le statut religieux de ce que les gens de science ont dit. Là, on voit bien que, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est pas grave, celui qui ne l'a pas fait volontairement, ses ablutions restent valables. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. Il a dit ça, c'est notre école, et c'est l'école de la majorité des gens de science. Donc le problème, il est là, c'est qu'on a très peu de gens de connaissances. On puise rarement dans ces livres-là, alors qu'il y a des sources qui sont très claires, hein, là c'est très très clair. Mais on est à la merci de ceux qui se sont mis en avant, qui ont pris cette mission de prêcher. Prêcher les choses. Par exemple, là, c'est pas compliqué, hein. Je pense que vous comprenez tous. Donc, c'est pas compliqué de lire certains livres. Et d'essayer de l'adapter ou de l'amener à ce que les gens, ça soit accessible aux gens. C'est faisable. Et ça, c'est des sujets, voilà. Une fois qu'on, au fur et à mesure, et même dans les autres chapitres qu'on va voir, c'est pas si compliqué que ça. C'est peut-être compliqué pour eux. Par rapport aux ambiguïtés qu'ils ont. D'ailleurs, je pense que c'est eux qui sont plus remplis d'ambiguïté et d'égarement que la majorité des gens. Pardon. Donc il a dit, ça c'est l'imam al-Nawawi qui parle. L'imam al-Nawawi, encore une fois, j'aime bien parler de certaines autorités, parce que c'était l'un des professeurs de l'imam Ibn Taymiyyah et d'autres grands savants. Donc, il a dit, ça, c'est notre madhab, c'est notre école. C'est-à-dire, cet avis-là, je suis de cet avis-là. Et c'est l'avis de la majorité des gens de science. وَجَاءَ فِي تَسْمِيَةُ أَحَادِيثَ الضَّعِيفَةِ ثَبَتَ عَنْ أَحْمَدِ بْنَ حَنْبَلِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِي تَسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ حَدِيثًا ثَابِتًا فَمَنَ الْأَحَادِيثِ. Donc, vous voyez, nous, le problème, c'est que dès qu'on lit un truc, boum, directement, alors que eux, ils sont très minutieux, pourquoi? Parce qu'ils cherchent à adorer Allah et son serviteur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas les gens, parce que soi-disant, l'autre, il a dit. Donc, eux, ils s'attachent surtout à quoi? Elle est où la preuve de ce que je dois dire ou de ce que je dois faire? Parce que comme on l'avait déjà vu dans le chapitre, dans les trois fondements, La condition avant d'accomplir un acte, c'est quoi? C'est l'ilm qabla al-qawli wal-amal, la connaissance et la science avant la parole et les actes. Les gens transmettent, parlent de certaines choses, imposent même à des gens, leur entourage ou quoi, ils ont même pas la preuve. Ils savent même pas argumenter, apporter un argument. Donc voilà, tout ça c'est pour comprendre vraiment, il faut qu'on arrête un peu de s'occuper des gens autour de nous, occupons-nous de nous et de notre méthodologie, et qui doit être conforme à ceux qui ont suivi cette voie, et qu'Allah, comme il l'a dit dans Surat al-Fatiha, Alladhina an'amta alayhim, ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ben c'est eux, c'est les prophètes, les envoyés, les compagnons et ceux qui les ont suivis dans la bonne guidée. Donc il a dit, Waja'a fi tasmiya, et il a été rapporté, on a entendu le fait de dire Bismillah, c'est des hadiths daif, ils sont faibles. Et Thabata, il a été authentifié de Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal, je pense que vous le connaissez tous, c'est un des quatre écoles d'imam qui est connu, et généralement, il est même connu comme étant Hurras al-Sunna, c'est le protecteur de la Sunna. Ça ne veut pas dire que les autres des quatre écoles, ce ne l'était pas, mais lui, c'était un peu plus prononcé. D'ailleurs, c'était une époque où on disait que le Coran est créé, et lui disait non, le Coran n'est pas créé. Et c'était une doctrine qui avait pris le dessus de l'époque, et attention, il y avait les mêmes Malik, il y avait les mêmes Shafi'i. Lui, sa position de l'imam Ahmed, c'était que non, le Coran n'est pas créé, parce que ça fait partie du dogme. Et à cause de ça, et ben, le sultan, enfin le calife, il l'a emprisonné, torturé, coup de fouet, et ainsi de suite. Si vous savez vraiment, la voix des prophètes et des savants et de ceux qui les suivent, c'est clown et c'est guignol là, qu'on a en train de profiter de tous ces plaisirs, le confort, et ainsi de suite, et on jongle avec la religion, et on joue avec les mots, on l'adapte, et on la façonne, et on la modèle, et on la cuisine à toutes les sauces. Il n'y a pas de souci, par contre, ce qui est de garder les convictions et d'être ferme, on n'en trouve pas. Enfin, on trouve rarement de gens fermes. Dans tous les cas, l'imam Ahmed, c'est ce qui s'est passé, il a passé un long moment en prison. Et au point après, ils l'ont fait quand même ressortir parce qu'ils ont vu qu'il ne changeait pas d'avis. Et d'ailleurs, après, c'est là où il a eu justement ce surnom de l'imam de la Sunna. Et de toute façon, l'imam Ahmed, il est connu. Vous allez lire, je crois qu'il y a même des séries qui ont fait des séries sur l'imam Ahmed et ainsi de suite. Voilà. Pourtant, il était dans la même époque que l'imam Shafi'i et l'imam Malik. Mais il s'est distingué. Donc, tout ça pour dire que l'imam Ahmed, il a été authentifié de sa part, rahimahullah ta'ala, annahu qala, il l'a dit, la a'lamu fi tasmiyatu fi al-wudu'i hadithan thabitan. Il a dit, je ne connais pas un hadith, je n'ai jamais entendu parler d'un hadith, ou un hadith authentique, ferme, et avec une chaîne de transmission authentique, qui parle de ça. Et après il dit, faman al-ahadith, quand sont-ils de tous ces hadiths? Parce que lui, comme je vous ai dit, le même Ahmed, c'est un savant du hadith. Et c'est lui qui a donné entre guillemets naissance à l'imam al-Bukhari. Je vous l'ai dit aussi. Donc l'imam al-Bukhari, ses élèves, c'était pas l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ou l'imam. C'était l'imam Ahmed. Et c'est de là où l'imam al-Bukhari, après avoir vu la fitna par rapport aux élèves, par rapport aux hadiths qui ont été rapportés, qui est des mensongers, des gens qui inventent des histoires, des vies, des choses. Donc il a vu la nécessité d'écrire un livre qui n'en aura pas de pareil, qui s'appelle l'Authentique de Bukhari. Donc c'est le premier, et il a établi des règles strictes pour que justement les hadiths qui soient dedans, ils sont 99% authentique. Il y a toujours une marge d'erreur. L'humain, il n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Mais c'est le livre le plus proche D'ailleurs, il y a unanimité de la majorité des savants de l'époque jusqu'à maintenant. Le deuxième livre le plus authentique après le Coran, c'est Sahih al-Bukhari. Tout le monde s'accorde à dire ça. Donc, l'imam Ahmed, on voit bien que voilà ce qu'il a dit. Donc là, on comprend quoi? On comprend que les gens d'avant, leur méthodologie, comment ils se sont distingués, c'est qu'ils s'attachent à قال الله قال الرسول. Allah a dit, le prophète a dit. Bien sûr, quand on dit le prophète a dit, il faut maintenant avoir un minimum dans la science du hadith pour pouvoir déterminer, distinguer, faire un tri. D'accord? C'est pas parce que je vais lire un hadith, allez, authentique, je l'ai, ou parce que l'autre il a dit qu'il était un tel, mais je vais le pratiquer. Non. Donc, mais en fait, il nous appelle à quoi? À suivre les gens, à suivre Allah et le prophète, et non les gens. Non parce que lui, c'est une autorité, parce qu'il a écrit, mais on sait pas qu'est-ce qu'il en est réellement. Comme on a dit, c'est à travers la science, quand tu vas l'apprendre, tu verras ce qu'il a suivi. C'est pas en pensant que cette personne a de la science, en la suivant, tu crois que tu vas atteindre la science, ou la connaissance, ou la compréhension des choses. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Si vous avez 10 minutes, on fera une petite partie sur comment s'appelle les trois fondements. Et on reviendra. On a vu que la base du message du prophète, des prophètes, c'est quoi? Ils ont été envoyés comme annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de la bonne nouvelle et avertisseurs de du châtiment d'Allah. Et on avait vu que on a vu donc le dernier passage concernant que le premier prophète. On a parlé de donc des deux prophètes, Nuh, la prophétie, comme je vous ai dit, même si c'est une divergence, le point de démarrage où il n'y a pas de divergence, c'est Nuh. La divergence, c'est entre Adam et Nuh, parce qu'entre Adam et Nuh, Allah a même, il n'y a pas de prophète, même si pareil, il y a des paroles, mais je ne rentre pas dans les divergences, on reste dans les avis majoritaires. Donc, oui, il y a une divergence, et je ne vais pas entrer dans les divergences, même si c'est vrai que c'est intéressant, parce que notre esprit s'élargit plus, enfin, il est un peu plus. La seule divergence, c'est qu'ils disent certains que c'était Idris, alayhissalam, qui était entre Noé et Adam, entre Adam et Noé. Mais il n'y a pas vraiment d'avis, on va dire, très fort à ce niveau-là. Par contre, la vraie divergence, c'est entre Adam et Noé. Donc, Nuh, alayhissalam, c'est le premier des prophètes. Encore une fois, on prend l'avis général. Après, l'avis personnel qu'on peut avoir, il va se forger à force de lire, à force de culture, à force d'opinion. Et après, ça sera une opinion individuelle, mais on respecte l'avis qui est général. Et le dernier des prophètes, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et oui, j'avais cité donc le hadith. Le hadith, qui fait peur, le hadith qu'il ne faut pas dire et qu'il ne faut pas. Je ne peux pas citer. D'ailleurs, ce hadith-là, pour nous, on vient de faire dire aux gens, tombe du ciel, ou du moins, c'est comme une bombe. C'est impossible. On n'a jamais entendu ça. Oui, parce que les imams qu'on a, il y a plus de cette communauté, c'est un islam. Révolutionnaire, qui révolutionne en changeant un peu ce qui a été dit depuis des siècles et des siècles. Tout ce qui a été dit, c'est eux qui le changent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une nouvelle époque. Alors, c'est un argument très très fort. Très bien argumenté, et surtout très bien sourcé. Moi, donc, le cheikh a dit, celui qui a écrit le livre, et la preuve, la preuve que le premier des prophètes, c'est Nuh, alayhi salam, قال الله تعالى, إن أرسلنا نوحا إلى إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي من بعده. Donc, attention, là, en fonction de leur avis, que c'est Nuh, alayhi salam, le premier des prophètes, même si il y en a qui pensent que c'est Adam, Nuh, Mohim. Le verset dans Surat al-Nisa, dans verset 4, où il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna, inna awhayna ilayka kama awhayna il t'a été révélé à toi comme il a été révélé à Noé, et comme il a été révélé à Noé et ceux qui l'ont suivi, ou les autres prophètes qui l'ont suivi. Donc c'est de ce verset que le cheikh il tire du fait que c'est Noé, le premier des prophètes, comme Allah l'a dit, car il a parlé de ceux qui l'ont suivi. Et ceux qui l'ont suivi dans quoi? Dans la prophétie. D'accord? فذكر الله في هذه الآيات أول الرسل وآخرهم. Et donc Allah a commencé donc dans ce verset par le dernier et le premier, c'est-à-dire dans l'ordre. Par contre, là on sait bien que dans l'ordre chronologique, c'est forcément ça commence par Nuh et ça finit par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وهم أولهم. فجمع الله في هذه الآيات بين الطرف فذكر الله في هذه الآيات Donc Allah a révélé dans ce verset fi hadhihi al-ayat awwal ar-rusul wa akhirahum. Il a révélé dans ce verset le premier et le dernier. Inna awhayna ilayk. Il t'a été révélé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-khatib li Muhammad. C'est celui qui s'adresse à Muhammad. Qui c'est qui s'adresse à Muhammad? C'est Allah. Donc il s'adresse à Muhammad en disant inna awhayna ilayk. Il t'a été révélé à qui? À toi, au Muhammad. Wa hum وهو آخرهم إلّي تلو دعني للبروفيت كما أوحينا إليك إلى نوح كم إلى تغذلي نوح وهو أولهم إيه سلو البروفيت فجمع الله في هذه الآيات بين الطرف السلسلة الرسول donc dans ce verset là Allah il a mis la chaîne de la prophétie qui commence par Nuh et qui se termine par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qala, il a dit, wa qala, donc, kullu ummatin ba'at Allahu ilayha rasulan min Nuhin ila Muhammadin salawatu rabbihi alayhi wa sallam. Il a été révélé à Nuh. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد. toute communauté a reçu un prophète de la part d'Allah depuis Nuh عليه السلام jusqu'au prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que Allah, bien sûr, qu'il n'a jamais abandonné sa création. Il l'a créé comme ça et débrouillez-vous. Non. De toute façon, les créatures ne peuvent pas rester en dessous ou moins d'une fraction de seconde sans qu'Allah détermine, orchestre, gère les choses. Parce que sinon le monde il s'arrête. Donc ya'muruhum bi'ibadatillah. Donc Allah n'a pas laissé ces gens, n'a pas laissé sa créature insoucieuse, insouciante, sans ordre, sans recommandation, sans interdit, sans récit, sans menace, sans annonce. Mais tout est dans le Coran. Et du coup, on voit que Allah a comme il a dit, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé en vain? Et les savants du tafsir, ils ont dit en vain dans le sens, vous croyez qu'on vous a abandonné comme ça à vous-même? Vous pouvez même pas vivre une journée sans vous entretuer et que ça soit l'anarchie. Il y a besoin que la parole d'Allah et son ordre et ses lois s'appliquent. Même celui qui n'aime pas Allah, est-ce que vraiment tu peux t'émanciper d'Allah si t'es pas content? Quitte cette création. Est-ce que tu peux pas? Si t'es pas content ou ainsi de suite, ne respire plus, ne mange plus. Tu pourrais pas. Donc quoi qu'il arrive, on est tous soumis d'une manière générale. Et ça, c'est la rahma d'Allah d'une manière générale qui touche chaque créature, les cieux, la terre, le temps, les animaux, les plantes, les végétations, et ainsi de suite. le mécréant, le musulman, l'apostat, l'ennemi, l'athée, et ainsi de suite. Et après, il y a une rahma spécifique aux croyants. Et est-ce que les gens peuvent s'émanciper d'Allah? Personne. Donc Allah n'a jamais abandonné sa création, sauf que walakin ash-shayatin. Mais par contre, c'est les shayatin qui ont fomenté un certain nombre de noms. C'est pour ça qu'on voit des fois les mensonges en fonction des époques, des siècles, en fonction même des personnes qui se connaissent même pas. C'est le même argument. Il y a quelqu'un qui s'est passé le mot en fait. Non, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui s'est passé le mot, c'est que c'est une stratégie qui vient du même personnage. Donc, Allah a envoyé à chaque communauté un prophète, depuis Noé, le premier prophète, Noé, tout le monde connaît Noé, et le déluge, jusqu'au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a envoyés avec quoi comme ordre ? يأمرهم بعبادة الله وحده. Il leur a ordonné à travers ses prophètes de l'adorer comment? De l'unifier dans l'adoration et de rien lui associer dans son adoration. Et ça, on le verra, inchallah, si on a l'occasion un jour de faire Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce que l'unicité? Là, c'est vrai qu'on parle d'une manière générale, encore une fois. Et après, chaque, comme j'ai dit depuis le début, chaque point sera plus ou moins développé au fur et à mesure des livres. Donc, on saura c'est quoi Ar-Rahma, Ar-Rahim. On saura c'est quoi, comment s'appelle, l'alliance et le désaveu. Al-Tawhid al-Uluhiyya, Al-Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans l'adoration, dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Est-ce que les uns et les autres se confrontent, est-ce qu'ils se choquent, est-ce qu'ils se lient, ou est-ce qu'ils se dissocient, est-ce que c'est possible d'être comme ci, pas comme ça, voilà. Ça, c'est pas facile, on essaiera de dire. Donc, il a ordonné aux gens, à travers ses prophètes, de l'adorer, de l'unifier, en fait, de l'unifier. Parce que, comme on a dit, il y a des versets où on a dit, et la majorité des gens ne croient en lui qu'en lui donnant des associés. D'accord, ça veut dire qu'ils adorent Allah, mais en même temps ils donnent des associés. Et c'est ça qu'Allah ne donne pas. On parle même pas de celui qui associe complètement. On parle de ceux qui sont en même temps, ils adorent Allah, ils adorent un shaytan, ils adorent la lune, ils adorent le soleil, ils adorent les planètes, où ils adorent son œuf, où ils adorent ses passions, ils adorent son argent, ils adorent sa femme, ils adorent ses terres, son pouvoir, sa notoriété, les faits que les gens l'aiment, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui poussent, qui corrompent l'adoration. Allah, il dit qu'il n'accepte pas d'adoration quand il y a une association quelque part. C'est-à-dire que quand quelqu'un associe avec Allah, pour Allah, il n'accepte pas. Allah, tout ce qu'il accepte, c'est ce qui est pur et qui est fait que pour lui. Dès qu'il y a un ouest-ouest pour l'intention de l'ostentation ou de... Ça y est, ton acte sache que ou tu t'arrêtes, tu essaies de le purifier parce qu'il ne va pas passer. Et ensuite, il aura ordonné. Il nous a ordonné aussi, وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةَ الطَّاغُوتِ. Il nous a ordonné, il nous a interdit l'adoration du tarout. Le tarout, qu'est-ce que c'est le tarout? Alors, on verra sa définition peut-être à un moment, mais tout ça pour vous dire que ce sont des termes qui sont du Coran. On le trouve dans Surat al-Baqarah, après le verset du trône, où Allah il dit, donc après le verset du trône, ayat al-Kursi, Allah il dit quoi? La ikraha fi din, nulle contrainte en religion. Même ça, la majorité des gens, ils ont mal compris. Ce terme, tout le monde veut, tout le monde a traduit mais c'est impressionnant, que quand ces gens-là, ils viennent traduire ou expliquer, là, vous voyez, je vous donne des noms de savants, des noms des anciens, des noms de compagnons, des noms des auteurs des livres. Eux, franchement, des fois, je ne vais pas dire que je les écoute parce que je sais pas que ça à faire et c'est ennuyant, c'est même agaçant pour mes oreilles. Mais quand, quand on entend certaines séquences, mais dites-moi quand est-ce qu'ils évoquent la parole d'Allah, la parole du prophète, ou les mufassirin, c'est-à-dire les exégèses du Coran, ou pareil, où sont les noms des compagnons, ou ceux qui les ont suivis, ou ceux qui ont interprété. Jamais. On n'entend jamais de noms de compagnons, ou de gens qui les ont suivis, ou des références dans la science. Et le nom du livre sur lequel il se base, et la preuve ou la page. Ou ils sont des cacheteries, ou ils ont peur, ou ils ne savent pas sur quoi ils sont, ou on ne sait pas à quoi ils appellent, à un moment donné, pour qu'ils soient clairs. Vous n'avez pas, ce verset-là, il vient de Surat, donc, la ikrah fiddin, nulle contrainte en religion, car la bonne idée, c'est distinguer de l'égarement. La ikrah fiddin, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut, donc, on voit le mot de taghut, en fait, c'est pour ça que j'ai cité ce verset. Allah, il dit quoi? Waman yakfur bit-taghut, et celui qui se désavoue, ou celui qui se, se nettoie du taroute, et le taroute, si vous voyez en fait, le taroute, le mot taroute, et juste le mot qui vient après, Wayu'min billah, celui qui se désavoue du taroute, Wayu'min billah, donc celui qui se désavoue de tout ce qui adore Allah et qui adore Allah. Et bien en fait, là, les savants, ils ont dit qu'il y a la shahada. En fait, la shahada, elle est là. La ilaha. La ilaha, ça veut dire quoi? Nulle divinité, ou bien nulle divinité n'est en droit d'être adorée qu'Allah. Donc, nulle divinité n'est en droit d'être adorée. Ça veut dire que là, on a eu négation. C'est pour ça qu'on dit, on dit que dans Kalimat al-Tawhid, il y a al-Nafi ou al-Ithbat. La négation et l'affirmation. La négation, pourquoi? Car tu détruiras toute mauvaise croyance, toute mauvaise action, ou toute mauvaise, comment ça s'appelle, ibad, que tu avais voué pour Allah, en associant, d'accord, donc tu vas nettoyer toute cette chose-là, et tu vas commencer à adorer Allah sur une base saine, c'est-à-dire que tu vas commencer à construire sur des fondations saines. C'est pour ça qu'Allah, avant de l'adorer, nettoie d'abord toutes les impuretés de shirkiyat, de kufriyat, que tu as peut-être eu, ou tu as peut-être pratiqué depuis ton enfance, volontairement ou involontairement, ou parce que c'est la coutume, ou parce que c'est la culture, ou parce que c'est l'ambiance, voilà. Donc une fois que tu vas te nettoyer et tu vas te présenter devant Allah purement et sainement, là à ce moment-là, tes actions, tu croiras en Allah et tes actions ne seront que bénéfiques, profitables et auront un degré, inch'Allah ta'ala, très élevé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de, tes actions ne sont plus entachées de ces impuretés qui est l'ignorance, qui est les ambiguïtés, qui est une mauvaise croyance. De petits chèques, et ainsi de suite. Et donc, le taroute, comme j'ai dit dans ce verset-là, en fait, il y a la parole La ilaha illallah. La ilaha, nulle divinité, elle est dans Wa man yakfur bit taroute. En fait, quelque part, nulle divinité, elle est traduite par At-Taroute. Et on l'a dans un autre verset, dans Surat al-Nahl, Surat les abeilles. D'où, justement, la preuve de ce que le shir vient de citer. وَالدَّلِيلُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve est dans le verset d'Allah où il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ. Et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un prophète. أَنِ عَبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Donc Allah, il a envoyé dans chaque communauté un prophète pour leur dire deux choses. Adorez Allah et écartez-vous du taroute. Donc le taroute, il faudrait, et on reviendra de toute façon, ne stressez pas, ne paniquez pas, tous ces termes, ces termes techniques, on va les voir, d'accord? Comme j'ai dit, on se précipite pas, on n'impose pas aux gens, hein, si il y a des choses qu'on a comprises, alhamdoulilah, on se les applique à soi-même. Une fois que les choses sont plus claires, qu'on est plus diplomate, plus instruit, plus construit dans notre argumentation, là, à ce moment-là, on peut évoquer, débattre avec des gens, et éventuellement intervenir, et ainsi de suite. Mais quand on ne sait pas, la meilleure des choses, c'est de se taire. Parce que peut-être que ce que tu vas faire, ça aura plus de conséquences négatives que positives. avant tout, ce n'est pas un prophète, ni un savant, ni un prédicateur, ni un étudiant, ni quoi que ce soit. C'est un simple musulman qui essaie d'apprendre la religion. Donc, applique-la pour toi-même. Et après, avec le temps, ça va, il donne de la connaissance, de la science. Et parce qu'on se donne les moyens, là, à ce moment-là, il y aura des situations là-bas qui permettra de transmettre, de participer dans cette période. Donc, voilà, pas de barata fait couler l'immatin rasoul. Donc, tout ça pour dire que le mot de paroute, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont mal utilisé. Et malheureusement, qui s'en est servi pour détruire ou dénigrer l'islam et les musulmans, ou ceux qui ont une certaine croyance saine, et qui malgré tout ne s'affilie pas à ce système, à cette société, à tout ce qu'il y a, et tout ce qui l'entoure, bah, c'est un moyen, en fait, quelque part, de provoquer ces gens-là. Pourquoi? Parce que, bah, justement, paroute, attends, c'est une parole d'Allah, on va pas la repousser, pas en parler. Par contre, il faut le parler à juste titre et avec connaissance. Donc, paroute, ça veut pas dire une personne ou quoi, ça peut être une personne, mais c'est tout ce qu'Allah a déterminé comme étant une chose qui s'oppose à lui. Notre paroute, par exemple, si on va prendre les définitions de plusieurs savants, avant les savants, j'aime bien regarder aux compagnons. Donc, les compagnons, et un, les compagnons, on va prendre juste celui d'Omar ibn Khattab, disaient que At-Tarut, c'est Shaytan. Voilà, lui, il a tout résumé. At-Tarut, c'est Shaytan. Ça veut dire que, il a compris qu'étant donné que la base de l'inimitié et de l'égarement, c'est lui, donc toutes les formes d'égarement, il faut savoir une chose, Shaytan, bien sûr que son souhait le plus grand, c'est que tu l'adores, mais au minimum, s'il n'arrive pas, son objectif, c'est que tu n'adores pas Allah. Lui, c'est ça son projet. Revenez sur les versets où Allah il parle de Shaytan et ainsi de suite. Vous allez voir que son projet, c'est ça. C'est que vous n'adorez pas Allah, ou du moins que l'être humain n'adore pas Allah. Donc, tant que tu n'adores pas, ça lui suffit. Même si tu ne suis pas sa voix, même si tu l'adores pas, tu ne fais pas de sacrifice, tu ne fais pas de vœux, tu n'adores pas Allah. Pourquoi? Comme ça, tu vas rentrer encore en enfer. Par quel moyen? Bah, par un moyen que j'ai exploité. Ton nefs, tes passions, ce bas monde, la perrure de ce bas monde, l'accaparer, la convoitise, la gourmandise, l'envie, la jalousie, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des choses par lesquelles il tire l'être humain et il arrive à le faire, à l'emprisonner. Donc, voilà, en gros, pour dire que, voilà, Barakallahu fikoum, c'était juste pour faire un petit crochet sur le mot tarout, c'est Shaytan, encore une fois, donc, du fait que toutes les mots, en fait, qui ont été créés, le takfirisme, les khawarij, les frères musulmans, les tablir, les ahbash, les chiites, les qaramides, les kouburiyin, les soufiyin, et ainsi de suite. Toutes ces voix-là, c'est plus ou moins lui qui les a créées, et en fait, encore une fois, comme j'ai dit, c'est donc tout ça, c'est du tawarit, c'est du parout, c'est quelque chose qui a dépassé ce qu'Allah a voulu, qu'Allah a créé. Et lui, tant que tu n'adores pas Allah, ou tu l'adores pas sur ce qu'il a voulu, c'est ça qui l'intéresse. C'est pas grave si tu l'adores pas. Au moins, tu seras avec nous en enfer. Parce que lui, c'est ça son pacte. Ou du moins, c'est son engagement. Donc, ta route, c'est tout ce qui a été créé à partir de ce Shaytan al-Rajim, d'accord, et qui va t'amener à t'éloigner d'Allah. D'accord. Et c'est pour ça que c'est la pire des fitnas, celle-là, parce qu'il y a un verset où Allah dit quoi ?« Wa yuridu shaytan ay yudillahum dhalalan ba'ida » Mais Allah, le shaytan, en fait, il veut les égarer, pas n'importe d'un égarement lointain. Donc Allah, il nous dit dans plusieurs versets, ne le suivez pas, ne l'écoutez pas, ne prenez pas ses pas, et ainsi de suite. Mais là, il a dit qu'en fait, dans cette stratégie, donc, on verra sur quel verset il se base, qu'il veut nous égarer loin, pour qu'on n'ait pas là, pour qu'on ne voit plus le retour ou le changement. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم جزاكم الله خير pour cette patience et qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous élève, qu'Allah vous pardonne, qu'il nous pardonne bien sûr. En fait c'est pour vous parce que vous avez fait beaucoup d'efforts, machallah, il est quand même 23h30. Donc la partie est facile. C'est que moi j'ai tout le temps, mais voilà, c'est vous les personnes à viser. وفقنا الله وإياكم كالله نغفر بس ainsi que vous qui vous dissipe vos problèmes qui vous augmente en connaissance et en science et qui une science qui est utile qui permettra de nous rapprocher de lui amin amin amin et qu'Allah guérisse les malades nos malades et les malades des musulmans qu'Allah il secoue les opprimés à travers le monde ceux qui sont opprimés par leur gouvernement ou ceux qui sont opprimés même par des institutions injustes et qui libèrent nos musulmans ou du moins qui les raffermissent sur l'islam et qui reprennent leur âme qu'en étant satisfaits d'eux. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair et je vous dis à dimanche, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.